Second tableau. Le seuil à l'extérieur du château de Santarém, site agreste. Ne parle pas. Ne parle pas. Laisse-moi boire. J'avais tellement soif. Mon Dieu, assistez-moi dans ce bonheur suprême. Il me semble que désormais, je ne pourrai plus avoir de bonheur qui ne soit voisin de la folie. Inès. Ne parle donc pas. Cet instant qui n'existera peut-être jamais plus. Ensuite, prête à tout subir, mais que cet instant ne me soit pas retiré. Oh, un instant, un petit instant encore, que je repose sur l'épaule de l'homme, là où l'on ne meurt pas. Être là, et que cela soit permis, et se dire que la terre peut porter de pareilles choses, et que cependant, le mal et la mort continuent d'exister, et qu'il faudra mourir soi aussi. Ces soldats qui nous observent. Ah, voilà les hommes, toujours à craindre le ridicule et à le craindre là où il n'est pas. Les soldats nous regardent, bien qu'ils nous regardent. Qu'ils s'en emplissent les yeux, qu'ils regardent et qu'ils disent si eux, ils savent aimer comme cela. Est-ce ton cœur qui bat si fort ou le mien? Le nôtre. Je voudrais donner ma vie pour toi. Tu ris? Comment peux-tu rire? De te voir si amoureuse. Tu t'es jetée sur moi comme le loup sur l'agneau. Et dire que je suis restée une heure étendue sur mon lit avant de venir pour être maîtresse de moi quand tu apparaîtrais. Quelle journée je viens de vivre. Ton nom prononcé dans ma solitude, prononcé dans mes rêves, cloué comme par une flèche. Et je regardais le ciel et je criais, « Ah, oh, mais un peu moins de ciel bleu !» Et le corps de l'homme que j'aime. Je me relevais pour aller à la fontaine, c'est aussi fraîche, mon seul soutien de toute la journée. Ou bien pour cueillir une fleur que je rapportais dans ma chambre afin qu'elle me tînt compagnie. Et voilà que je t'ai retrouvée. J'ai retrouvé l'odeur de tes vêtements. Ah, quand je t'ai vue, mon cœur a éclaté. Ah, laisse-moi boire encore. Que je te tienne dans ma bouche, comme font les féroces oiseaux quand ils se possèdent, en se roulant dans la poussière. Ces soldats sans cesse à nous épier. Eh bien, qu'ils tirent donc, car j'accepterai de mourir, moi, et ce que je porte en moi, oui. Oui, j'accepterai de mourir, si la mort devait me fixer à jamais dans un moment tel que celui-ci. Non, tu ne peux savoir ce qu'ont été ces 4 jours. Il y a une façon brave et presque provocante de recevoir le premier assaut du destin. Puis peu à peu, cela vous ronge. C'est le 3e jour qu'il faut voir un être qui a été frappé. Après 3 jours, j'ai commencé à être en sueur la nuit et à m'apercevoir qu'en ces 3 jours, j'avais maigri. Et quand j'ai été devant ton père, j'ai été aussi faible que tu l'avais été. Tu n'avais pas osé lui parler de notre mariage. Je n'ai pas osé lui parler de notre enfant. Et je ne sais comment j'ai pu m'en taire, car j'aime tant parler de lui. Que devient ce fameux petit garçon? Le jour, il ne me préoccupe pas trop. C'est la nuit. Il est au chaud de mon cœur et moi, je voudrais me faire plus chaude encore pour l'abriter mieux. Parfois, il bouge à peine comme une barque sur une eau calme, puis soudain, un mouvement plus vif me fait un peu mal. Dans le grand silence, j'attends de nouveau son petit signe. Nous sommes complices. Il frappe timidement. Alors, je me sens fondre de tendresse, parce que tout à coup, je l'avais cru mort, lui si fragile. Et je souhaite qu'il ne cesse pas de bouger pour m'épargner ces minutes d'angoisse où je m'imagine qu'il ne bougera jamais plus. Pourtant, ce sont ces minutes-là qui rendent possible la joie divine de sa vie retrouvée. Que le dur monde où il va aborder ne le traite pas en ennemi. Lui qui n'est l'ennemi de personne. Que la profonde terre l'accueille avec douceur, lui qui ne sait rien encore de ses terribles secrets. Mais dis-moi, Comment le roi t'a-t-il permis de venir me voir? Il voudrait... Mais moi, je ne veux pas. Quoi? Que j'obtienne ta promesse d'épouser l'infante si le pape donne l'annulation. Mais moi, je ne veux pas. Ah, je ne veux pas, je veux que tu restes à moi toute seule. Est-ce que tu m'aimes? Je t'aime comme le soleil aime le sable. Je t'aime. Et aussi j'aime t'aimer. Alors, je t'ai manqué. Oh, femme folle. Soyons sérieux. Mon père t'a-t-il traité doucement? Fort doucement. Il m'a parlé avec un abandon extrême. Il était amer parce qu'il y a sans cesse des gens qui lui traversent l'esprit contre nous. Et aussi parce qu'il est fatigué du trône. Il m'a prié de bien observer si tu avais l'air triste. Mais je crois sentir que lorsqu'il est sévère, il se force et qu'il est par nature bienveillant et généreux. Il a fait pourtant des actes horribles. Il y avait sans doute des raisons. Oh, il y a toujours des raisons. Mais vouloir définir le roi, c'est vouloir sculpter une statue avec l'eau de la mer. Il m'a dit aussi un peu de mal de toi. Mais quand on me dit du mal de toi, cela ne me peine pas, au contraire. Il me semble que je t'en aime davantage, que tu en es davantage à moi seule. Non. Non, ce n'est pas de lui que j'ai peur. Toute notre destinée dépend de lui et de lui uniquement. Et cependant, la peur que j'ai est une peur confuse et qui ne provient pas de lui en particulier. Quelle crainte ne sera pas sortie de ce cœur si triste? Quoi, maintenant encore dans mes bras? Je songe à l'instant où je vais te quitter. Inès, toujours dans le passé ou l'avenir, toujours à me regarder comme si c'était la dernière fois. Tiens, qu'y a-t-il? Nos gardiens s'agitent. Mais tu ne penses donc à eux? Si tu m'aimais vraiment, tu ne les verrais pas. J'ai entendu un bruit de chevaux sur la route. Oh, assez! Assez! Deux êtres ne peuvent donc pas s'étreindre sans qu'il y ait des hommes qui se dressent et qui leur disent non. Je ne bougerai pas. Les soldats reviennent vers nous. Attends, ma mort. Attends que d'abord je sois satisfaite. Je ne bougerai pas quand ce serait Dieu lui-même qui apparaîtrait dans ce buisson. L'infante. Elle ici, sans doute poussée par le roi. Elle vient avant de partir te demander à son tour cet engagement. Elle vient t'arracher à moi. Allons, allons, ne lui parle pas. Rentre dans le château et refuse de la recevoir. D'ailleurs, s'il le faut, c'est moi qui lui barrerai le passage.